Cette chanson est pleine de dénonciations, donc parlera de plein le con d'écart. Dans notre belle société civilisée, nous avons des modèles à qui s'identifient, armes, gouvernement, policiers, prêtres, docteur, psychiatre, athlète ou vedette. Mais voyez-vous, moi comme plusieurs d'entre vous, je n'ai jamais trouvé quelqu'un à qui m'identifier. Les gouvernements sont presque tous blancs, remplis de vices, malice, racistes et préjudices. Et moi je suis juste un enfant qui voit les modèles des années 70, tels les évêques et les prêtres, devenir des violeurs, des abuseurs, des traîtres. Sans parler de docteurs qui abusent littéralement de leurs patients. C'est pourquoi aujourd'hui je suis ici, c'est qu'il y a personne aujourd'hui qui dit et font les mêmes choses. Donc il est temps que le monde fasse quelque chose. Prenez-vous en main, tracez votre chemin, visualisez votre destin. Soyez votre propre modèle du début à la fin. Et personne, ni intelligent ou crétin, pourra vous influencer, car vous ferez partie des gens qui s'autosuffient. Dans ce monde de l'indépendance, c'est une puissance. Québec libre, par instance. Créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, et de vouloir être comme quelqu'un qu'on aime, c'est bien. Mais vaut mieux rester soi-même, car vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Alors vaut mieux pour vous d'être vous-même, comme ça vous serez toujours unique, recherché, magique. Quelqu'un avec qui il fera bon d'être seul ou en public, croyez-moi. Ces paroles sont véridiques. Cette confiance qui se développera en vous sera aussi puissante que son de mes peurs. Pas créer son indépendance, c'est comme partir vers la renaissance. Mais cette fois, avec une grande intelligence, telle AMNTM et Sola. Et si vous écoutez leur musique, vous réaliserez à quel point les modèles gouvernement policiers qu'on nous donne dans notre société sont les mauvais à suivre en tant que black de la communauté. Car les gouvernements et policiers sont combinés pour éliminer les minorités de toute chance de survie, si ce n'est pas carrément de leur vie. Car de Paris à New York, de Montréal à Londres, les policiers gouvernements sont tous pareils, dotés d'une philosophie raciste sans pareil. C'est pourquoi vous avez besoin de créer votre indépendance. Créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance. En créant votre indépendance, vous réaliserez les vrais problèmes de la société. Du système d'éducation mis en place par un gouvernement blanc, des informations interprétées pour vous ridiculiser et vous garder loin de la réalité de la culture africaine déjà installée, telle que l'Éthiopie a civilisé le monde, tous les mondes, que l'Égypte est un endroit civilisé, éduqué, organisé, bien avant Rome, la Grèce et tous les pays qui s'empressent à raconter qu'ils ont éduqué le monde. Alors à toi, homme ou femme de la communauté, lève-toi, respecte de toi, étudie-toi, connais-toi, sois-toi, marche comme une reine ou un roi, marche sur ou sous les toits, seul ou avec moi, mais fais de ta vie une vie sans nul autre que toi, comme une reine ou roi, car tu descends d'un peuple digne de foi, un peuple avec des rois, des lois, un peuple en qui je crois, quand je crois en moi, et je crois en toi, si tu crois en toi, et si tu cherches à créer ton indépendance. Crée ton indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indépendance, crée votre indép